change d'univers. Vole, vole, petite sœur, vole mon ange, ma douleur, quitte ton corps et nous laisse qu'enfin ta souffrance cesse. Va rejoindre l'autre rive, celle des fleurs et des rives, celle que tu vouais tant, ta vie.